Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Alors, nous allons donc prendre aujourd'hui notre dernier cours sur le bébé statisticien en abordant une question qui est peut-être difficile justement pour l'apprentissage statistique, qui est la question de l'apprentissage de règles, et notamment des règles du langage. Je vous avais laissé la semaine dernière avec l'idée que le bébé pouvait apprendre des statistiques sur les mots de sa langue maternelle. On avait vu qu'il pouvait en particulier segmenter les séquences de syllabes ou de phonèmes qu'il entend en se fondant sur les probabilités de transition entre les syllabes et détecter donc la présence de mots de deux ou de trois syllabes dans des ensembles en se fondant sur les probabilités de transition. Mais il est tout à fait clair que ça ne peut pas suffire pour l'apprentissage de la langue. Il faut postuler des apprentissages plus abstraits que les simples probabilités de transition. Si on réfléchit, et ce sera forcément extrêmement bref, à ce que c'est que connaître une langue, puisque nous possédons tous dans l'espèce humaine le don des langues, eh bien, il est tout à fait clair que ce don des langues dépasse la connaissance d'une simple matrice de probabilités de transition entre mots ou entre syllabes. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous distingue, c'est très discuté dans la littérature, ce qui nous distingue par exemple d'autres espèces comme les oiseaux chanteurs qui disposent de séquences mais dont il n'est pas clair qu'on ait besoin d'une description à un niveau plus élaboré que les simples probabilités de transition. Alors, dans quelle mesure est-ce que la connaissance humaine du langage dépasse les probabilités de transition ? Bien d'abord, il est évident qu'il faut faire intervenir des règles de transition entre catégories. Autrement dit, ce n'est pas uniquement au niveau des syllabes ou même des mots que se situe la bonne description, c'est au niveau de catégories telles que nom, adjectif, verbe. Et on voit bien que l'enfant doit être capable de généraliser, c'est-à-dire que lorsqu'il découvre qu'un mot donné appartient à la catégorie des noms, il va être capable immédiatement d'appliquer à ce mot nouveau toute une série de règles qui dépendent uniquement du fait que le mot possède l'étiquette nom, adjectif ou verbe. On peut citer cette phrase extrêmement célèbre de Noam Chomsky, « Colorless green ideas sleep furiously », qui n'a absolument aucun sens, mais dans lesquelles vous détectez immédiatement, si vous êtes locuteur de l'anglais, que les règles syntaxiques sont correctes. C'est une phrase dont la syntaxe est correcte. Alors que si on dit « ideas colorless sleep furiously green », il y a une autre sorte de violation qui est une violation de la syntaxe de l'anglais. Chomsky utilisait ces phrases pour dire que à probabilité de transition nulle, puisque vous n'avez jamais entendu cette phrase colorless green ideas sleep furiously, vous avez quand même une connaissance des catégories de la langue qui vous permet de reconnaître que l'arbre syntaxique est préservé. Alors, le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que même les probabilités de transition entre catégories de mots sont insuffisantes. La langue n'est pas organisée sous forme d'une chaîne de Markov avec des transitions entre catégories de mots, elle est organisée plutôt sous forme d'arbres. Toutes les langues possèdent des structures en constituants, en arbres, les linguistes aiment dessiner des arbres pour rendre compte de cette complexité du langage, ce qui implique que les règles syntaxiques se traduisent non pas par des transitions de probabilité d'un élément au suivant, mais par des dépendances statistiques avec une distance variable et arbitraire entre les éléments. Donc c'est ce qu'on appelle les dépendances à longue distance. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. En anglais, vous avez des dépendances, par exemple, entre l'auxiliaire « is » ici et le gérondif « ing », donc on va dire « is singing »,« is dancing », etc. Donc il y a un lien qui s'établit entre l'auxiliaire et le gérondif, et ce lien est élastique. Il n'est pas systématiquement à une syllabe de distance ou à deux syllabes de distance, puisqu'on peut insérer des arbres intermédiaires, par exemple l'adverbe, ici, happily singing, donc he's happily singing, he's very happily singing, et vous voyez que la syntaxe de nos langues, et de toutes les langues apparemment, permet d'insérer des arbres dans des arbres dans des arbres, donc il y a une structure enchâssée en constituant, qui fait que les dépendances qui créent les règles linguistiques sont des dépendances à l'intérieur des arbres, et non pas d'un élément au suivant. C'était une introduction absolument élémentaire aux propriétés fondamentales de la langue, mais ça veut dire que du point de vue du bébé ou de l'enfant qui doit apprendre cette langue, il doit être capable de détecter des règles à une certaine distance. Alors, nous allons parcourir aujourd'hui un petit peu rapidement ces différents aspects de la connaissance de la langue. Donc, apprentissage de catégories de mots, apprentissage de règles abstraites et apprentissage de dépendances à longue distance. Et nous verrons que, effectivement, dans la première ou la deuxième année de vie, l'enfant a tout à fait accès à ces différents aspects de l'apprentissage. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur ce point très général qui est l'existence de principes abstraits de la syntaxe, puisque la perspective bayésienne est en train tout doucement de révolutionner, de grignoter, je dirais, ce qu'on croyait bien établi dans le domaine de l'apprentissage linguistique. Et en particulier, j'attire votre attention sur le travail toujours de Josh Tenenbaum, qui joue un rôle absolument central. Dans cet article ici avec Perforce, reprend la question de l'argument de la pauvreté du stimulus, qui est un argument classique de Chomsky, et montre que peut-être on s'est trompé sur ce qui est apprenable ou pas. Il y a énormément de discussions, évidemment, sur l'apprenabilité des principes du langage. Et dans cet article, donc, les auteurs reprennent les idées chomskiennes selon lesquelles les principes de la syntaxe ne peuvent pas être inférés par apprentissage statistique. L'argument classique, c'est que l'enfant ne peut pas découvrir par lui-même que la formation des questions, par exemple, fait appel à une structure arborescente et non pas linéaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'entend pas suffisamment d'exemples, le stimulus est pauvre, tel est l'argument, hein, et donc l'enfant n'entendrait pas assez d'exemples pour être capable de faire l'inférence appropriée. Alors, la formation des questions, c'est très simple, hein, l'argument est le suivant, c'est quand, donc, si la phrase de départ, c'est « the boy is smiling », la question sera « is the boy smiling ?» n'est-ce pas ? Donc, on inverse et on va amener l'auxiliaire devant la phrase. C'est une manière de décrire ce qui se passe ici dans cette transformation. Mais qu'est-ce qui se passe dans une phrase un petit peu plus compliquée comme « The boy who is smiling is happy ». Si vous considérez ça comme une chaîne avec des mots successifs, l'un après l'autre, il n'est pas totalement exclu de penser que la formation des questions serait « Is the boy who is smiling happy ?» C'est-à-dire qu'on a amené le premier « is » devant. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout une phrase syntaxiquement correcte, ce n'est pas la bonne transformation de la phrase. La bonne transformation, évidemment, c'est « Is the boy who is smiling happy ?» Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, la deuxième transformation est évidente pour tout le monde parce qu'on sait que « the boy who is smiling », c'est un constituant de la phrase de départ et c'est ça qu'il faut, lorsqu'on déplace l'auxiliaire, il faut tenir compte de cette structure en constituant, ce qui n'est pas le cas dans la phrase marquée d'une étoile ici, qui est syntaxiquement incorrecte. Mais l'argument de la pauvreté du stimulus, c'est que les enfants n'entendent jamais d'exemples de type 2. Ils n'ont pas suffisamment d'entrées statistiques, d'après Chomsky, pour pouvoir découvrir ce type de régularité, et ils appliqueraient trop rapidement, dans l'apprentissage du langage, des règles complexes de ce type-là, alors que les entrées qu'ils ont reçues ne suffisent pas pour généraliser. Donc Chomsky dit « It's quite possible for a person to go through life without having heard any of the relevant examples that would choose between the two principles. » Two principles, c'est arborescent ou linéaire. Et donc, Chomsky est amené à postuler que nous disposons tous d'une grammaire universelle, c'est-à-dire de contraintes extrêmement fortes, qui nous permettent de réduire l'espace des hypothèses, et aucun enfant ne fait d'hypothèse qui consisterait à produire, même transitoirement, ce type de construction. Bien, alors tout ceci est bel et bon, et l'argument est posé, mais Perforce et collaborateurs attaquent ce point de vue en montrant qu'en fait, il est tout à fait possible d'utiliser les phrases entendues dans un contexte d'apprentissage bayésien pour sélectionner même des principes extrêmement abstraits de la grammaire universelle. C'est-à-dire qu'on a toujours cette notion dont je vous ai souvent parlé, de la bénédiction de l'abstraction, c'est-à-dire qu'à un niveau extrêmement abstrait, toutes les phrases qu'on entend vont contribuer à stabiliser le principe qui est que la langue est organisée suivant un principe arborescent et non pas un principe linéaire. Alors, la force, je dirais, de l'article de Perforce, Tenenbaum et Regier, c'est de simuler ce point de vue très directement. Ils vont reprendre la notion d'un modèle bayésien hiérarchique dans lequel il y a trois niveaux. Au plus bas niveau, il y a des productions linguistiques observées, ce sont les données que reçoit l'enfant. Donc, ils se servent de la base de données Childess, qui est une très jolie base de données qui recense énormément soit de production, soit de réception de l'enfant dans les premières années de vie, donc qui permet vraiment de comprendre comment est constitué le langage de l'enfant. Je vous incite vivement à la consulter si vous êtes intéressé par ce sujet. Il y a énormément de données dans cette base de données Childess. Donc ça, c'est le bas niveau. Et ils vont supposer un modèle hiérarchique dans lequel, au niveau intermédiaire, il y a une grammaire spécifique d'une langue donnée, par exemple la grammaire de l'anglais, mais le choix de cette grammaire lui-même, dans ce modèle bayésien hiérarchique, est sélectionné par le type de grammaire qui est possible. Et le type de grammaire, ça va être par exemple une grammaire non contextuelle, éventuellement probabiliste, mais il peut y avoir d'autres types, ça peut être une chaîne de Markov, ça peut être une grammaire à état fini, et Perforce et collaborateurs dans leur simulation considèrent donc toute une série de types de grammaire possibles. Donc le modèle n'est pas contraint, n'est pas déterminé en tout cas, à choisir la grammaire particulière. Et on arrive à un modèle dans lequel l'enfant n'aurait pas vraiment une grammaire universelle, il aurait un éventail beaucoup plus large de grammaire possible. Et alors ce que montrent les auteurs, c'est que si on fait tourner le modèle avec des entrées issues de la Bayes-Childes, et que à chaque entrée donc, du modèle, on met à jour les probabilités des niveaux supérieurs, eh bien on arrive très vite à stabiliser le principe approprié du niveau du haut, c'est-à-dire, enfin, dans l'état actuel des hypothèses, hein, une grammaire non contextuelle, arborescente, avec enchâssement récursif de constituants. Donc, contrairement à l'argument qui était fait au départ, ce type de principe est apprenable. Il faut bien s'entendre sur ce qu'on veut dire par apprenable, c'est-à-dire que ce type de principe doit faire partie de l'espace des hypothèses. Donc, quelque part, on peut dire qu'on n'est pas si loin de l'hypothèse inéiste ou nativiste. Les grammaires context-free, non contextuelles, font partie de l'espace des hypothèses qui sont considérées par l'enfant. Mais on n'est pas forcé de penser qu'elles sont les seules disponibles. Et un apprentissage bayésien, avec cette bénédiction de l'abstraction, est capable de généraliser et de trouver très vite que c'est le bon descripteur pour l'espace des productions verbales qu'il reçoit. On est très proche ici du papier de Kemp et Tenenbaum, dont je vous ai souvent parlé, c'est-à-dire la capacité de ces modèles bayésiens à un niveau extrêmement abstrait à choisir le bon modèle. Sélection de modèles, c'est une des forces de l'apprentissage bayésien, et ici peut-être que l'enfant, dans ce modèle, sélectionne la bonne hypothèse, le bon type de grammaire, et au moins il s'agit ici d'une démonstration de principe fondée sur une simulation qui n'est pas du tout impossible à l'enfant, sur la base de quelques centaines de phrases, de découvrir que l'organisation de ce domaine linguistique, c'est un domaine sous forme d'arbre. Alors, cette première base étant posée, on va voir maintenant dans le cours un certain nombre d'exemples d'apprentissage spécifique dans lesquels il faut postuler à chaque fois que l'enfant est capable de faire des raisonnements particuliers sur les entrées qu'il reçoit. Alors, premier type d'apprentissage, comment est-ce que l'enfant fait le tri entre des mots à contenu et des mots qui réfèrent à des objets particuliers, par exemple les noms. Je pense qu'on connaît encore trop peu de choses sur ce domaine. Hein. Mais j'ai choisi un exemple particulier, très récent, toujours du groupe de Jacques Meller, qui a un rôle très important dans ce domaine, qui montre qu'il pourrait y avoir des indices extrêmement simples qui permettent à l'enfant de faire le tri et de commencer à voir que certaines séquences de syllabes sont des mots à contenu, sont des noms, par exemple, et d'autres sont des foncteurs, sont des petits éléments grammaticaux qui vont donc servir à organiser la phrase. Alors, l'idée assez simple ici, c'est que ce tri peut être fait, alors que les mots, évidemment, sont enchevêtrés dans la phrase, ce tri peut être fait parce que la fréquence est très différente. Les éléments grammaticaux ont tendance à être des éléments d'extrêmement haute fréquence. Pensez à la fréquence du mot « le », par exemple, ou « là » en français. Ce sont des mots extrêmement fréquents. Et ils reviennent très fréquemment alors qu'ils ne sont pas associés à des éléments de sens systématiquement les mêmes. Voyez. Donc ça, c'est quelque chose de statistique que l'enfant peut découvrir. Donc l'hypothèse qui est faite ici par Hormann, Andres et Meller, c'est que les enfants pourraient détecter que dans une chaîne qui par ailleurs pour eux au départ n'a pas de signification, il y a des éléments très fréquents et il y a des éléments peu fréquents, et quelque part dans le système, les éléments fréquents seraient associés à des foncteurs grammaticaux. Alors pour tester cette hypothèse, ils prennent 28 enfants italiens, 17 mois, donc au début de cette explosion lexicale où le langage va vraiment se développer massivement, et ils vont les exposer à des structures françaises du type « ce chat ». Voyez. Alors, évidemment, pour nous, ça paraît évident, mais quand vous écoutez « ce chat », il y a deux syllabes qui jouent des rôles strictement équivalents, sauf que l'un est un foncteur grammatical et l'autre est un nom. Bon. Alors, ils vont présenter « ce chat » accompagné d'un objet, et ils vont regarder ce que l'enfant apprend. Est-ce qu'il est capable d'apprendre que c'est « chat » qui réfère à l'objet et pas « ce » ? Alors, voilà comment se déroule l'expérience. L'enfant commence par entendre 81 phrases françaises, qui sont évidemment manipulées, de manière à ce que dans ces phrases françaises, il y ait des syllabes « ce » et « vaut » qui sont extrêmement fréquentes, qui sont présentées 9 fois plus fréquemment que d'autres syllabes « chat » et « serre », qui par ailleurs jouent des rôles équivalents, l'enfant ne sachant pas la langue française. Alors, il commence par être exposé donc, à des phrases de ce type, et ensuite vient l'apprentissage clé, dont on a déjà parlé la semaine dernière, c'est-à-dire l'apprentissage d'un objet particulier qui est associé à cette étiquette verbale. Donc l'enfant va entendre ce chat, ce chat, et à chaque fois, il aura l'objet particulier que vous avez sous les yeux, ici, cet objet bleu. Et puis ensuite, on va passer dans la phase de thèse, et c'est là que c'est intéressant. On va faire entendre à l'enfant systématiquement des bisyllabes nouveaux. Dans un cas, il va entendre « semer », et dans l'autre, il va entendre « vos chats ». Et puis, il y aura deux objets devant lui. On va regarder s'il préfère regarder l'ancien objet, celui qui était associé à ce chat, ou bien le nouvel objet. Vous voyez qu'a priori, il n'y a rien de particulier qui permet de savoir que ce ne réfère pas à l'objet et que chat réfère à l'objet, sauf la fréquence particulière des stimuli présentés en entrée. Alors, que fait l'enfant ? Eh bien, effectivement, ça fonctionne, c'est-à-dire que lorsque l'enfant entend « semer », il se tourne vers le nouvel objet, alors que lorsqu'il entend « vos chats », il se tourne vers l'ancien objet. Ouais. Donc, quand il entend « vos chats », il semble bien que ce soit « chat » qui compte, l'enfant détecte que c'est « chat » qui compte, et que ça, c'est ça qui réfère à l'objet, et l'enfant se tourne vers l'objet bleu, et lorsqu'il entend « semer », ce ne compte pas, c'est « mais » qui compte, « mais » est un mot nouveau, et donc on avait parlé la semaine dernière de ce principe d'exclusivité, hein, l'enfant a l'air de se tourner vers l'objet nouveau. Mais ce qui est non trivial, c'est que dans les deux cas, il y a une syllabe nouvelle, vous voyez, mais l'enfant est capable de détecter que les syllabes extrêmement fréquentes ne sont sans doute pas celles qui réfèrent à l'objet, ce sont sans doute des mots de fonction, comme des démonstratifs dans ce cas-ci. Contrôle, hein, lorsqu'on enlève la phase de familiarisation avec les 81 phrases en français, qu'on présente directement à l'enfant ce chat associé à l'objet, l'enfant ne fait pas cette inférence, et là, vous voyez, il se tourne des deux côtés avec la même fréquence. Donc c'est vraiment parce qu'il a été exposé à des phrases dans lesquelles « ce » était extrêmement fréquent et « chat » ne l'était pas, et « vos » était également très fréquent et « mais » ne l'était pas, qu'il a pu faire cette généralisation. Bon, il y a deux interprétations possibles de cette expérience qui sont discutées dans l'article. Hein. La première, c'est que l'enfant fait des statistiques fondées sur la fréquence d'association. Alors, il faut imaginer cet enfant qui entend 81 phrases dans lesquelles il y a le mot « ce » qui revient extrêmement fréquemment, et ce mot « ce » n'est jamais associé à un objet particulier. Donc, ce que proposent les auteurs, c'est qu'au-delà d'une certaine fréquence de récurrence de ces mots, les enfants abandonnent, c'est le mot qu'ils utilisent, hein, et concluent que ces formes n'ont pas de sens intrinsèque, puisqu'elles ne reviennent jamais avec les mêmes objets, donc ce sont sans doute des mots de fonction. Et la fréquence pourrait jouer un rôle particulier ici. On voit bien que si un mot revient fréquemment, il ne va pas être souvent associé à un objet particulier, on va pouvoir décider que c'est un mot de fonction, c'est un mot grammatical. Deuxième possibilité, c'est que ce sont des enfants italiens, en italien comme en français, il y a le même ordre hein, des démonstratifs et des noms. Donc, les enfants pourraient appliquer la grammaire de la langue maternelle à ces entrées qui leur sont présentées ici. La période de familiarisation pourrait leur permettre de segmenter les entrées en deux mots différents. Et ils pourraient conclure que l'un est un déterminant, l'autre est un nom. Et comme c'est en italien, bon, bah, le déterminant est en premier, le nom est en second, voyez. Ces deux possibilités sont également disponibles pour interpréter cette expérience, mais les deux suggèrent que les enfants sont capables de faire des raisonnements relativement élaborés, un traitement syntaxique, et on pourrait appeler proto-syntaxique, hein, qui va commencer à faire le tri, et qui va dire certaines syllabes réfèrent à des objets, d'autres syllabes ne réfèrent pas à des objets et sont des mots de fonction. Alors ensuite, évidemment, si l'enfant a réussi à faire un premier tri, il faut aussi qu'il arrive à comprendre les règles de la grammaire. Donc dans la suite de ce cours, je vais parler un tout petit peu de la manière dont l'enfant pourrait utiliser l'apprentissage statistique pour détecter qu'il y a des régularités et que certains mots sont associés à d'autres à l'intérieur d'une grammaire. Alors cette question a fait l'objet de beaucoup de recherches, et je voudrais passer en revue un petit peu l'historique de ce domaine, en commençant par le travail de Gomez et collaborateurs, Gomez et Kerken, en 1999, qui reprennent la notion de grammaire artificielle par transition, ici, grammaire de transition, qui avait été étudiée au départ par Robert pour étudier l'apprentissage implicite. Voyez. On a ici une grammaire typique de cet axe de recherche, dans lequel vous avez différents états, et les transitions entre états sont étiquetées par des syllabes, voyez, et l'ensemble peut générer ce qu'on peut appeler une grammaire de séquences de syllabes. Donc, cet arbre ici à droite peut générer, par exemple, vote pelgique, comme une séquence, une phrase possible, ou bien pel tam pelgique, etc. Un arbre de transition de ce type-là va générer un certain nombre de phrases possibles. Question, est-ce que les enfants, et à quel âge les enfants, sont-ils sensibles à l'organisation de séquences de syllabes sous forme de grammaire de ce type ? En 1999, on est au début de ces recherches, on ne maîtrise pas encore toutes les variables qui sont nécessaires de maîtriser, on va voir que c'est vraiment une situation qui évolue au fil des expériences. Mais donc, à cette période, Gomez et Gerken décident d'étudier ça chez les enfants d'un an, donc avant de cette période d'explosion lexicale. Ils vont être exposés uniquement à 10 phrases. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est pas beaucoup, 10 phrases de cette grammaire. Il peut en générer, je crois, 21 types de phrases différentes. Et donc, voilà, les enfants vont être exposés à des choses du genre « vote Belgique »,« pel tam Belgique »,« pel tam jik »,« rud tam rud », etc., qui toutes sont des phrases possibles issues de cette grammaire interne. Question, est-ce que les enfants exposés à ce type de régularité vont être capables d'extraire les régularités, de détecter que tous ces mots ne sont pas aléatoires, ou plutôt toutes ces phrases ne sont pas aléatoires, mais sont issues d'une grammaire particulière. Pour le savoir, on va regarder le temps qu'ils passent à écouter des phrases qui sont partiellement nouvelles et qui sont soit compatibles avec la grammaire de départ, soit incompatibles. Donc il y a deux ensembles de phrases qui sont nouvelles ici. Vous avez 10 phrases qui n'ont pas été présentées rigoureusement dans la partie de départ, mais qui sont compatibles avec la grammaire, et d'autres qui sont non grammaticales. Dans l'expérience 1, pour créer les phrases non grammaticales, on a inversé la première et la dernière syllabe. Vous voyez, donc, « vote, jik, rud, tam » serait une phrase possible. Elle doit être là quelque part. Voilà, elle est ici, vous voyez. Et là, on a inversé la première et la dernière syllabe pour créer cette phrase non grammaticale. Alors, c'est évidemment une expérience 1, il y en aura d'autres, mais c'est le point de départ et il est intéressant de constater qu'effectivement, les enfants de 1 an sont capables de répondre en regardant plus longtemps pour entendre les chaînes grammaticales. Donc, ils ont une sensibilité à la statistique qui leur a été présentée. Bon, le problème, c'est qu'il s'agit de s'assurer que les enfants ont effectivement appris une grammaire, ont effectivement appris des règles de grammaire. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment pu apprendre cet art de transition ? D'abord, je suis sceptique sur le fait même qu'avec 10 phrases, ça suffise à identifier le modèle de droite. Je pense que ça serait intéressant de faire un travail théorique là-dessus, mais ils ne le font pas dans l'article. Et est-ce que vraiment il y a une seule grammaire qui est compatible avec les phrases de départ ? Ça, j'en suis pas sûr. Deuxièmement, et c'est un très sérieux problème expérimental pour cette série d'expériences, les probabilités de transition ne sont pas contrôlées. Elles sont en fait totalement violées dans la partie de droite ici. Vous voyez que par exemple, tamjik ne peut pas exister, si je ne me trompe pas. Si tamjik, ça existe, pardon. Il y a un certain nombre de transitions entre syllabes ici qui sont tout simplement inexistantes dans l'ensemble d'apprentissage. Par ailleurs, évidemment, le fait même de démarrer avec tam ou de terminer avec vot, ce sont des choses qui sont impossibles dans cette grammaire. Donc, vous voyez que énormément de choses sont violées et il est difficile de savoir à quoi l'enfant exactement est sensible dans cette expérience. Alors, c'est un problème général pour ces expériences. Il s'agit de réduire progressivement l'espace des possibles. Les auteurs le font en passant à une expérience 2 dans laquelle ils raffinent leur test en présentant, je crois que c'est en dessous, voilà, la partie grammaticale, la même qu'auparavant, mais la partie non grammaticale, on va commencer par la bonne syllabe. Donc, cette fois-ci, on commence par « vote », par exemple. On termine par une syllabe qui est possible et c'est entre les deux qu'on va modifier l'ordre interne des syllabes. Donc c'est un peu plus difficile pour l'enfant. Il ne peut pas se fonder sur la première ou sur la dernière syllabe pour détecter qu'on lui présente quelque chose qui est incompatible avec ce qu'il avait appris auparavant. Et les enfants continuent de regarder plus longtemps les chaînes grammaticales que les chaînes non grammaticales. Donc quelque part, ils ont une sensibilité qui dépasse la simple connaissance de la première ou de la dernière syllabe. Néanmoins, les probabilités de transition sont toujours extrêmement différentes dans les deux cas. Et alors, il y a un autre argument aussi qui est intéressant, qui est développé par les auteurs, c'est que ces phrases de droite, là, elles n'obéissent pas à une grammaire, en fait. Elles ont été choisies en combinant des syllabes dans des ordres différents. C'est pas mal fait, dans la mesure où les statistiques de présentation de chacune des syllabes, donc la fréquence des syllabes correspond à celle de l'ensemble de départ. Le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes, mais par contre, à l'intérieur, il n'y a pas de règle qui régit ces phrases de droite. Alors, il se pose la question, est-ce que l'enfant pourrait détecter que l'ensemble de gauche obéit à des règles, alors que l'ensemble de droite n'obéit pas à des règles. Tandis qu'il y a un modèle simple de l'ensemble de gauche et des phrases d'apprentissage de départ, alors qu'il n'y en a pas pour ces phrases de droite. Donc, ils en viennent à leur expérience 3, qui est un peu plus intéressante, à mon avis, qui est de contraster directement deux grammaires. Donc, les grammaires commencent et se terminent par la même syllabe, mais entre les deux, l'espace des transitions n'est pas du tout le même, voyez. Et les enfants vont être exposés à l'une ou à l'autre et testés avec l'une ou testés avec l'autre. Donc là, on s'approche d'une expérience qui est quand même plus intéressante, puisque les deux ensembles sont régis par des grammaires. La question est de savoir si l'enfant détecte que certaines instances ne peuvent pas être produites par la grammaire qu'il avait appris au départ et sont produites par une autre grammaire. Alors, les résultats sont toujours positifs. Les enfants sont capables de réagir lorsqu'ils entendent des phrases qui n'appartiennent pas à la grammaire de départ. Le problème, c'est que dans toutes ces expériences, depuis le départ, les probabilités de transition ne sont pas identiques dans l'ensemble grammatical et dans l'ensemble non grammatical. Donc, tous les résultats jusqu'ici de ces trois premières expériences de Gomez et Gerken peuvent s'expliquer par l'apprentissage de transition, de probabilité de transition entre syllabes. Très difficile de trouver le bon test. Alors, quel est le bon test ? Eh bien, on arrive à l'expérience 4, et l'expérience 4 est plus intéressante dans cet article, puisque c'est la seule qui teste la généralisation. Je crois que c'est un point clé avec lequel vous êtes familier maintenant dans ce cours, c'est que pour tester la connaissance abstraite d'un enfant, il faut regarder s'il va généraliser à des situations nouvelles. Et c'est un test qui avait été utilisé par Robert chez l'adulte, dans l'apprentissage implicite de grammaire, de voir s'il y a transfert de l'arbre abstrait d'une grammaire, comme l'arbre ici, à des syllabes qui peuvent être complètement nouvelles. Si vous avez vraiment internalisé un arbre, vous pouvez peut-être transposer cet arbre alors que les syllabes particulières qui sont utilisées sont complètement différentes. Alors c'est ça qui est testé dans l'expérience 4 ici. Les enfants commencent par entendre toujours la grammaire de départ et ensuite on va transposer toute la grammaire en changeant vote par gène, pelle par fim, gic par tup, etc., de manière à avoir des stimuli qui sont, alors là, pour le coup, complètement nouveaux, dont la probabilité de transition n'est pas connue, essentiellement nulle dans l'ensemble de départ, puisque ce sont des syllabes nouvelles, mais qui respectent ou ne respectent pas la grammaire de départ. Et, à mon avis, c'est cette expérience qui est la plus importante, puisque là encore, les enfants réussissent, ils regardent plus longtemps pour les chaînes qui respectent, mais cette fois-ci à un niveau très abstrait, la grammaire de départ. Je dirais que cette expérience est assez stupéfiante parce que là, pour le coup, elle prouve que les enfants ont dû apprendre quelque chose d'assez abstrait. Mais si on regarde un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les enfants ont peut-être pu apprendre quelque chose de particulier. Et ce qui est particulier à cette expérience, c'est que suivant les endroits où vous trouvez cette grammaire, vous pouvez avoir des répétitions de la même syllabe. Par exemple, « pelle » peut être répété plusieurs fois. Cette boucle ici indique qu'on va pouvoir boucler sur cet état et donc on peut tout à fait avoir « vote »,« pelle »,« pelle »,« pelle », »,« gic ». Comme un des mots ou des phrases possibles de cette grammaire. Et puis vous avez pelle aussi ici, donc vous pouvez avoir pelle, tam, pelle, qui est une structure possible. Donc vous avez des structures de répétition, et la question qui se pose, c'est de savoir si ce n'est pas exactement ça que les enfants apprennent. Donc si vous regardez en détail, dans les structures grammaticales que l'enfant auxquelles l'enfant est exposé, il y a des moments où il y a des choses qui se répètent. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà, par exemple ici, vous avez vote. Rudjig, vote rudjig. Ça, c'est tout à fait particulier à la grammaire 2. Et vous ne pouvez pas trouver ça dans la grammaire 1. Alors, est-ce que l'enfant n'est pas simplement sensible au fait que certaines grammaires induisent certaines répétitions ? Eh bien, dans une expérience ultérieure, Gomez, Gerken et Schwanewelt, en 2000, montrent effectivement que c'est ça qui se produit. C'est-à-dire que si on change complètement la grammaire, mais qu'on garde le patron de répétition qui est impliqué par la grammaire, les enfants semblent n'être sensibles qu'à la structure de répétition. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce papier particulier de Gomez et collaborateurs en 2000, parce qu'en même temps, en 1999, Marcus et ses collaborateurs présentent dans Science une expérience qui est beaucoup plus propre et qui définitivement établit que les enfants peuvent être sensibles au patron de répétition, donc un patron relativement abstrait de règles. Ce ne sont pas proprement parlé des règles linguistiques, parce que dans la langue, c'est assez rare qu'on fasse appel à des répétitions pour des constructions grammaticales. C'est très peu fréquent. Mais ça prouve que l'enfant est capable de détecter des règles particulières. Alors, comment font-ils ? Eh bien, ils prennent des enfants de 7 mois et c'est un âge quand même très précoce, hein, et ils vont leur faire entendre des séquences de syllabes, un petit peu dans l'esprit de l'expérience de Jenny Safran, que je vous présentais l'autre jour, donc des séquences de syllabes qui se répètent et dans lesquelles on peut détecter des régularités, mais ici, les régularités vont être abstraites, grammaticales, si on veut, avec une grammaire qui va être soit ABB, soit ABA. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il va y avoir des répétitions de syllabes et que, par exemple, pendant 2 minutes, l'enfant va entendre des répétitions du type gatiti, bofoufou, pilala, etc. Vous voyez ? À chaque fois, respectant la structure ABB. Un autre enfant, dans l'autre groupe, va être exposé à la régularité ABA. Et la question qui se pose, est-ce que l'enfant est capable d'apprendre que tous ces stimuli obéissent à une règle de type ABB. Donc pour le savoir, au cours de la séquence de test, on va présenter des séquences qui sont toutes nouvelles. On fait appel à des syllabes qui n'ont jamais été entendues auparavant, mais qui respectent le patron d'origine ou pas. Donc par exemple, wo fe fe ou wo fe wo. Et tous les enfants vont entendre les mêmes syllabes, mais ils viennent d'un apprentissage qui est soit ABB, soit ABA. L'expérience est bien faite. Et les enfants, le résultat est tout à fait net, écoutent plus longtemps les séquences qui s'écartent de la grammaire de départ. Donc on voit bien ici le temps passé en secondes à écouter les wo-fé-fé ou les wo-fé-wo, et suivant que les phrases, donc ils appellent ça des phrases, hein, suivant que ces phrases soient consistantes avec la grammaire de départ ou inconsistantes, vous voyez qu'il y a un changement assez massif, très significatif. Ce sont des expériences, c'est rare que les expériences chez le bébé fonctionnent de façon aussi massive. Donc, les enfants font la différence entre des mots qui sont tous nouveaux, mais dont certains respectent ou ne respectent pas la grammaire de départ. Alors, il y a 3 expériences, comme vous voyez. L'expérience 1 établit le phénomène. L'expérience 2 réplique en changeant systématiquement les syllabes et même les traits phonétiques qui sont utilisés dans les syllabes, de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de doute qu'il s'agit d'une généralisation à des syllabes complètement nouvelles. Et dans l'expérience 3, également, les résultats étaient tendus à 2 autres règles, AAB versus ABB, ce qui est important parce qu'il y a la même répétition, mais à des endroits différents. Donc les enfants sont quand même sensibles à ce que Marcus voudrait qu'on appelle des règles algébriques, c'est-à-dire des patrons assez abstraits, du type « il y a une répétition en deuxième », voyez, il y a une première syllabe, puis il y a une deuxième répétition. Il semble que vers 7 mois, ce type de patron algébrique puisse être appris, détecté. Il est clair que là, on sort complètement du domaine de l'apprentissage associatif ou de probabilité de transition. Vous voyez, au niveau des probabilités de transition, il n'y a plus rien, puisque toutes les syllabes ici sont nouvelles. Donc, c'est vraiment un autre domaine d'apprentissage. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être modélisé par des apprentissages par un modèle bayésien, mais à un niveau d'abstraction qui doit être un petit peu supérieur. Alors, l'article de Marcus a eu un immense retentissement. Je ne vais pas passer en revue tout ce qui a été fait dans ce domaine, mais d'abord, il a posé vraiment les bases de l'existence de ce type d'apprentissage abstrait à 7 mois. Il a montré une méthode aussi pour le mesurer. Et donc, beaucoup de gens se sont emparés de ce domaine. Je vais juste vous présenter 3 conséquences de ce travail. Première conséquence, un travail de Johnson et Fernandez en 2009 qui reprend ces questions chez des bébés de 8 mois et de 11 mois. Alors, il teste de façon un petit peu systématique une série de règles. Donc les enfants vont être exposés par exemple à ABB, puis ensuite on va généraliser à AAB, ou bien ils vont être exposés à ABB, on va généraliser à ABA. Bon, ils ne testent pas toutes les combinaisons possibles, enfin ils en testent un grand nombre systématiquement chez les bébés de 8 mois et chez les bébés de 11 mois. L'article est un petit peu compliqué, est un petit peu fragile aussi peut-être. Une partie de l'article ne réplique pas complètement les résultats de Marcus, qui pose un petit peu des questions. Mais enfin, globalement, c'est tout à fait clair qu'à 11 mois, les enfants réussissent l'immense majorité de ces tests. Et à 8 mois, par contre, cette connaissance est beaucoup plus fragile. Et les auteurs suggèrent qu'à 8 mois, les enfants pourraient être sensibles à la présence de répétitions immédiates, mais pas leur position, voyez, ce qui empêcherait de faire la différence entre AAB et ABB. Bon, Gary Marcus avait trouvé succès, hein, donc c'est un peu bizarre, les différences entre ces langues. Mais il pourrait y avoir une évolution de la capacité des enfants entre 8 mois et 11 mois à être de plus en plus sensibles à la position de la répétition, à la formule algébrique exacte qui régit les stimuli. Deuxième article qui m'a paru intéressant, parmi beaucoup, travail de Marcus en 2007 qui étend ses résultats précédents. Il pose une question extrêmement simple. Est-ce que les enfants pourraient être capables de détecter ce type de règles algébriques dans tous les domaines? Les syllabes sont un domaine particulier. Mais on pourrait tout à fait tester, par exemple, dans le domaine des tons purs. Est-ce que, lorsqu'on entend une mélodie, on est sensible à la présence de répétitions à certains endroits de la mélodie ? Est-ce que l'enfant est capable de voir que c'est la même règle que dans le domaine du langage ? Alors, il y aurait beaucoup à faire dans ce domaine. Marcus et collaborateurs réalisent quelques expériences sur ce sujet, mais elles sont assez intéressantes dans la mesure où elles suggèrent d'abord que l'enfant ne trouve pas aussi facile de faire ses inférences dans le domaine de la musique que dans le domaine du langage. Par exemple, dans l'expérience 1 ici, vous avez un échec des enfants à détecter la règle lorsqu'elle est présentée avec des tons purs. Donc, c'est la même chose. Hein. Vous avez la, do, do, mais cette fois-ci avec des notes de musique. L'enfant ne détecte pas la règle, alors que les mêmes enfants, lorsqu'il s'agit de syllabes chantées, détectent la règle. Dans l'expérience 2, ils essayent des timbres différents, des sons d'animaux, et que les enfants n'y parviennent pas. Et alors, dans l'expérience 3, ils y arrivent. Et pourquoi ? Et c'est très intéressant, parce que les enfants sont d'abord exposés à la règle linguistique, et une fois qu'ils ont été exposés à la règle linguistique, alors oui, l'apprentissage est possible dans le domaine des tons purs ou des timbres ou des noms d'animaux. Donc ce sont les mêmes stimuli que dans l'expérience 1 et 2, mais il y a eu d'abord apprentissage par l'enfant de la règle linguistique. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Si c'est vrai, ça demanderait sans doute à être répliqué, hein. Mais l'article a l'air solide. Ça suggérerait que l'enfant a peut-être une sensibilité particulière pour les apprentissages linguistiques en premier lieu. Il y a peut-être quelque chose dans la discriminabilité des syllabes qui fait que les règles sont plus faciles à détecter. Et ensuite, une fois que la règle est détectée dans le domaine du langage, on la généralise à des situations où la même règle est véhiculée par des tons purs ou par des timbres. Donc l'enfant est quand même capable de généralisation assez abstraite, mais peut-être pas avec le même degré d'évidence quand c'est des tons purs et quand c'est des syllabes. Troisième domaine dans lequel le travail de Gary Marcus a été généralisé, c'est ce qui se passe chez les enfants bilingues. J'ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière de la situation particulière des enfants bilingues, c'est un domaine de recherche extrêmement intéressant. Et dans un article de Science de 2009, toujours l'équipe de Jacques Meller avec Agnès Kovach présente de l'évidence que les enfants bilingues sont quelque part meilleurs que les autres dès cet âge très précoce dans la flexibilité avec laquelle ils sont capables d'apprendre des structures linguistiques. Donc cette capacité de détecter des règles algébriques algébrique plus que linguistique d'ailleurs, serait plus élaborée chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingues. Alors, il change un tout petit peu la méthode de Marcus, il propose une méthode différente qui est fondée sur le regard de l'enfant. L'enfant est familiarisé avec une situation dans laquelle il regarde au milieu, il y a deux endroits sur le côté où il peut regarder aussi, il entend une série de trois syllabes et on le conditionne à attendre l'arrivée d'un jouet distrayant du côté gauche lorsque la structure est AAB, donc peut-être fi-fi-bo, et là il se tourne vers la gauche pour avoir l'objet, et il est conditionné à savoir que si la structure est ABA, il faut se tourner vers la droite. Donc il y a toute une partie de conditionnement, mais qui est très rapide, hein, quelques minutes, qui permet à l'enfant de détecter cette règle, et on va tester ensuite s'il connaît la règle en lui présentant des nouveaux items avec des syllabes jamais entendues auparavant, mais qui respectent la même régularité, AAB ou ABA, et on va regarder si son regard se tourne spontanément, en anticipation, vers la gauche ou vers la droite. Donc est-ce que l'enfant est capable d'utiliser la règle pour anticiper sur la suite ? Et s'il est capable d'anticiper, il est capable aussi, par définition, d'avoir reconnu, de reconnaître la structure de cette séquence de syllabes. Alors, 44 enfants de 12 mois, ces expériences sont quand même aussi un effort absolument considérable pour recueillir ici les données de 44 enfants de 12 mois, 22 strictement monolingues et 22 complètement bilingues, parfaits, issus de familles italiens-slovènes. L'équipe de Jacques Meller est installée à Trieste et a donc accès à des familles très bilingues à cette région de la frontière italienne. Alors, le résultat est extrêmement clair et valide l'hypothèse des auteurs, c'est-à-dire que les enfants bilingues parviennent plus facilement à se représenter deux règles simultanément. Ici, vous voyez, il y a deux règles à se représenter. Hein, la règle ABB conduit d'un côté, la règle ABA conduit de l'autre. Alors, lorsqu'on regarde le premier regard de l'enfant, ou la réussite totale, le temps total consacré à regarder d'un côté plutôt que de l'autre, les résultats sont les mêmes. Vous voyez que les enfants bilingues, que la règle soit ABA ou ABB, se tourne du bon côté. Donc ça, c'est la différence entre regarder d'un côté et regarder de l'autre. Donc vers le haut, ça veut dire qu'ils se sont tournés du bon côté. Donc les enfants bilingues ont appris quelque chose des deux règles, alors que les enfants monolingues se tournent plutôt du bon côté pour AAB, mais plutôt du mauvais côté pour ABA. Alors on peut dire que peut-être ils connaissent la règle AAB, puisque c'est la seule qui s'écarte du zéro ici. On peut dire aussi qu'ils n'ont pas appris grand-chose et qu'ils ont un biais général pour se tourner d'un côté, et il se trouve que c'est le côté où la règle était AAB. Donc les résultats sont un tout petit peu ambigus ici, mais en tout cas, ils montrent bien que l'enfant bilingue a appris la totalité de ce qu'il y avait à apprendre dans cette situation. L'enfant monolingue n'a appris qu'une fraction de ce qu'il fallait apprendre. Pour vérifier évidemment que les enfants monolingues ne sont pas simplement incapables d'apprentissage, qui serait étrange, mais enfin il y a un contrôle ici dans cette expérience dans lequel ils utilisent un conditionnement par le fait que la voix soit une voix d'homme ou une voix de femme, et là les enfants monolingues n'ont pas de difficulté particulière à apprendre à se tourner à gauche ou à apprendre à se tourner à droite. Donc l'apprentissage n'est pas tellement dans la contingence ou dans l'anticipation du regard. Il semble bien que la différence d'apprentissage entre monolingue et bilingue soit dans la nature de ces règles. Et les auteurs proposent que les enfants bilingues aient, par leur simple exposition à des langues différentes, aient une capacité de flexibilité beaucoup plus grande dans l'apprentissage des règles linguistiques. Ce résultat, en tout cas, confirme clairement d'abord le résultat de Gary Marcus. Hein. Entre 7 et ici, c'est 12 mois, les enfants sont tout à fait capables d'apprentissage assez abstrait. Là, il y a vraiment un apprentissage abstrait. Hein. Mais en plus que peut-être les enfants diffèrent en fonction de leur exposition antérieure et que le fait d'avoir été exposé à un environnement bilingue finalement augmente la diversité des règles qui sont considérées par l'enfant et leur capacité d'apprendre rapidement lesquelles de ces règles doivent être stabilisées. Alors, ça s'inscrit dans une série de recherches qui sont menées par le groupe de Kovacs et Meller, et je voulais citer au passage cet autre article dans PNAS la même année, hein, qui là encore montre un avantage des enfants bilingues dans l'apprentissage. C'est une situation un tout petit peu différente ici, mais toujours dans l'idée de tester la flexibilité de l'apprentissage. Ils prennent des enfants de 7 mois, ils les exposent à des structures de 3 syllabes, qui respectent des règles, et ils les exposent donc à cette situation suivie d'un écran visuel qui les incite à se tourner dans les premières parties toujours du même côté, toujours du côté droit. Donc ils savent que lorsqu'ils entendent ces mots, alors au départ ce sont juste des trisyllabes qui respectent des structures statistiques à la Safran, puis après ce sont des structures du type AAB ou bien visuel AAB. Et donc pendant 9 essais, les enfants apprennent que ce type de structure prédit l'apparition d'un objet à droite. Et là où le test devient intéressant, c'est qu'au bout de 9 essais, les syllabes changent et la règle change. L'enfant doit apprendre à se tourner de l'autre côté. Et on va voir combien de temps il faut à l'enfant pour se rendre compte que la règle a changé et que les mêmes structures linguistiques ou visuelles l'incitent maintenant à se tourner de l'autre côté. Le résultat est exactement le même qu'auparavant. Les enfants bilingues ont une plus grande flexibilité. Voyez. Donc ici, c'est avant le switch, les 9 essais d'apprentissage initial où ils apprennent à se tourner toujours du même côté. Vous voyez que les enfants bilingues et les enfants monolingues ne diffèrent pas. Au fil des essais, la proportion d'anticipation du bon côté augmente progressivement chez les monolingues et chez les bilingues. Mais après le switch, ici, les enfants doivent apprendre à se tourner de l'autre côté. Vous voyez que les enfants bilingues réapprennent. Sont en bleu ici et ils montent plus haut. Les enfants monolingues ont l'air de rester dans un état où ils ne changent pas la règle qu'ils ont appris au départ. Ce résultat, les courbes ne sont pas extrêmement impressionnantes hein, dans cette première expérience, mais elles sont répliquées 3 fois dans les 3 expériences que je vous ai montrées au départ, hein, donc avec des règles linguistiques ou avec des règles visuelles. À chaque fois, c'est le cas que la période pré-switch n'est pas différente et que la période post-switch, les enfants bilingues remontent beaucoup plus rapidement que les enfants monolingues. Donc là encore, un résultat extraordinairement précoce, hein, 7 mois. Hein, à 7 mois, les enfants bilingues semblent avoir déjà tiré un bénéfice de l'exposition à une plus grande diversité de structures et semblent être capables de changer plus rapidement. Autrement dit, il y a une discussion, notamment en neuroéconomie, sur ce concept de volatilité. C'est-à-dire que non seulement nous devons être capables de nous adapter à notre environnement, mais nous apprenons à quel point l'environnement est changeant. Et la vitesse avec laquelle nous apprenons est déterminée par notre inférence de la volatilité de l'environnement. Si l'environnement change rapidement, nous devons apprendre à changer rapidement. Eh bien, il est possible que, dès 7 mois, les enfants bilingues ont une certaine notion de la volatilité de l'environnement et apprennent à changer rapidement de règles ou changer rapidement de structures. Donc, et c'est une série de résultats qui vont dans ce sens-là. Il y a d'autres résultats qui suggèrent que le contrôle exécutif, la capacité de changer d'attention rapidement, changer de tâche rapidement, eh bien, sont également supérieurs chez les enfants bilingues. Donc, évidemment, tous les enfants sont capables d'apprentissage de règles, mais la vitesse de l'apprentissage n'est peut-être pas exactement la même, la flexibilité, la rapidité ne serait pas la même chez les bilingues. Bien, alors je vois que le temps passe évidemment extrêmement rapidement. Je vais aborder maintenant la question de ces dépendances à longue distance. Il est clair que dans les apprentissages qu'on a vus auparavant, Gary Marcus parle d'apprentissage algébrique. L'enfant apprend des structures qui impliquent des répétitions de syllabes, mais ça ne ressemble pas énormément à des structures linguistiques, dans la mesure où les structures linguistiques, c'est très rare qu'elles utilisent des répétitions deux fois de suite de la même syllabe. Les structures linguistiques, comme je l'ai dit au départ, font plutôt appel à des structures enchâssées avec des dépendances à longue distance. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui portent sur la capacité des adultes ou des enfants à apprendre ce type de structure. Je vais commencer par un article de Marcela Peña, qui travaille beaucoup avec le groupe de Jacques Meller, et qui, dans un article de Science en 2002, nous montre qu'effectivement, il y a un type d'apprentissage tout à fait particulier qui est la détection de règles linguistiques à une certaine distance. Ici, il s'agit d'un travail qui est d'abord mené chez l'adulte, on passera ensuite à l'enfant. Hein. Donc, des adultes français sont exposés à des séquences qui sont formées d'une concaténation de groupes de trois syllabes avec un patron qui est cette fois-ci AXC. Alors, AXC, c'est la formule, si vous voulez, qui régit ces stimuli. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une première syllabe, A, qui prédit la troisième, C, et entre les deux, il peut y avoir une syllabe X qui peut prendre plusieurs valeurs. En l'occurrence, dans l'expérience de Peña et collaborateurs, trois possibilités. Exemple, pour acquis, Pouliki, Poufoki. Peut-être qu'avec cette simple exposition, vous êtes capable de détecter que la syllabe Pou prédit la syllabe Ki, mais il peut y avoir un élément variable entre les deux. Là, on est beaucoup plus proche, vous voyez, de structures linguistiques. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de is singing, il faut que vous êtes, pour apprendre la structure de la langue anglaise, il faut que vous détectiez qu'il y a des relations à longue distance entre l'auxiliaire et le gérondif. Au passage, d'ailleurs, les linguistes ne font pas de différence entre des règles syntaxiques, enfin, la majorité des linguistes actuellement, des règles linguistiques et des règles morphologiques. Donc, singing, qui consiste à modifier un mot, qui est donc du domaine de la morphologie, la règle qui s'applique ici est une règle qui est du même ordre que la règle qui s'applique pour la connaissance de la syntaxe de l'arrangement des mots entre eux. Donc, voilà un modèle minimal de l'apprentissage de ce que pourrait être une structure linguistique. Une dépendance entre une première syllabe et une autre avec des éléments variables entre les deux. Alors comment ensuite regarder l'apprentissage de ce type de structure ? Eh bien, inspiré par le travail de Jenny Safran et collaborateurs, on peut présenter des séries de syllabes, donc pour Aki, Beliga, Tafodou, Poufoki, Talidou, Beraga, et voir si la simple exposition à ce type de régularité permet de détecter la règle AXC. Alors ici, en fait, il y a trois règles AXC. Pou prédit qui, B prédit ga et ta prédit dou. Voilà. Donc, si les auditeurs sont capables de détecter la présence d'une régularité, ils doivent pouvoir grouper les syllabes par trois, détecter qu'il y a une sorte de parenthésage ici et que ça fonctionne par trois. Mais alors que tout ça est présenté dans un flot complètement continu, hein, sans pause pour l'instant. Donc, c'est un peu le même principe que l'expérience de Jenny Safran, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, dans laquelle vous pouviez grouper la séquence en composant de trois syllabes, mais ce qui vous permet de grouper ici en composant de trois syllabes, ça n'est plus du tout les probabilités de transition, mais c'est l'existence d'une règle qui lie l'élément 1 à l'élément 3. Si on regarde les probabilités de transition, il est intéressant de voir que ça va dans le sens inverse, hein. Puisque la probabilité de transition à l'intérieur de la séquence est de seulement un tiers, puisqu'il y a trois syllabes possibles pour celui du milieu, donc il y a un tiers de probabilité à chaque fois, alors que comme on ne répète pas deux fois de suite le même AXC, la transition de qui vers B a une probabilité de 1,5. Donc en réalité, il y a une probabilité de transition plus élevée aux frontières ici qu'à l'intérieur des mots. Donc, on est vraiment dans un domaine différent de l'apprentissage à la Jenny Safran, l'apprentissage de mots par probabilité de transition. Ici, il faut apprendre une règle. Alors, dans l'expérience 1, donc, les auteurs commencent par exposer pendant quelques minutes les sujets adultes à cette séquence avec des règles, sans leur dire quoi que ce soit. Et puis ensuite, ils vont leur présenter deux types d'éléments possibles, des trisyllables qui respectent la règle de départ. Donc, ce sont ce qu'ils appellent des mots, donc c'est simplement des séquences de trisyllabes qui étaient dans la séquence de départ. Et puis d'autres qu'ils appellent des part words, des parties de mots, qui sont deux syllabes d'un mot et une syllabe du mot suivant. En termes de probabilité de transition, donc, quelque chose qui est légèrement plus probable d'être présent dans la séquence de départ. Alors, on demande pour chacun de ces éléments de juger s'ils appartiennent ou pas à la langue de départ. Chez les adultes, évidemment, on peut demander un jugement, comme ça, introspectif, ce qui est un peu plus difficile chez les enfants. Dans cette première expérience, le résultat est extrêmement clair. Les personnes adultes exposées à ces régularités détectent qu'il y a des mots. Donc, si on leur demande est-ce que pour acquis était un mot, chaque point ici représente un sujet. Vous voyez que pour acquis est jugé comme étant un mot plus souvent que raquis B. Les deux étaient présents dans la séquence de départ, mais pour acquis respecte la règle AXB, c'est effectivement un mot qui a le bon parenthésage des trisyllabes de départ. Les adultes détectent cela. Mais est-ce qu'ils ont vraiment détecté une règle ? Alors, pour le savoir, Marcela Peña et ses collaborateurs regardent évidemment la généralisation. Donc, dans une expérience 2, ils vont tester d'une part les parties de mots et d'autre part ce qu'ils appellent un mot-règle, un rule world, c'est-à-dire un mot nouveau, mais qui respecte la règle de départ. Donc, vous avez ici Rakibé, qui est le part word, et vous avez Poubeki, qui est un mot nouveau, mais qui respecte la règle AXC. Et alors, la surprise, c'est que les adultes, dans cette situation, n'ont pas inféré la règle. La preuve, c'est que toutes leurs réponses se situent au milieu. Ici, autrement dit, ils ne jugent pas plus souvent que Poubeki fait partie de la langue de départ que Rakibé. Il semble qu'ils aient tout simplement appris les mots particuliers qui étaient présentés dans la séquence. Donc, ils sont capables de détecter que pour acquis était présent dans la séquence et que ça formait des groupes de trois syllabes, mais ils n'ont pas généralisé à Poubeki. Alors, à partir de là, les auteurs vont regarder quel est le minimum qui permet de passer de l'apprentissage de la règle à l'apprentissage d'un lexique. On est dans cette situation-là d'une balance et ils supposent qu'il y a deux processus distincts. L'un qui est la segmentation, détecter qu'il y a des blocs de trois syllabes qui forment des mots potentiels, et il suppose que c'est un processus statistique, et le deuxième, qui est l'extraction d'une vraie règle algébrique, à la Marcus, qui, selon les auteurs, demanderait d'extraire ces objets-là, de les garder en mémoire de travail, de pouvoir les manipuler mentalement, et de détecter qu'ils obéissent à certaines règles. Alors, pour faciliter cette capacité d'inspection des représentations discrètes des mots dans la mémoire de travail, eh bien, ils font une manipulation extrêmement simple et ils disent qu'elle est subliminale, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas à l'écoute qu'il y a eu cette manipulation, c'est l'introduction de pauses entre les syllabes. Donc, on garde exactement le même flux qu'auparavant, mais vous avez des minuscules pauses de quelques dizaines de millisecondes qui sont insérées et qui donnent au système une indication sur la manière dont il faut organiser ce flux. Et alors, l'expérience est extrêmement claire. Dès que vous faites ça, alors que tout est égal par rapport à l'expérience d'auparavant, 10 minutes d'exposition, eh bien, les adultes détectent la règle et cette fois-ci généralisent à Poubeki. Et d'autres manipulations sont intéressantes. On pourrait penser, par exemple, que dans l'expérience 2, tout ce qui a manqué aux personnes, c'est suffisamment d'exposition. Peut-être que s'ils avaient été exposés plus que 10 minutes, ils auraient fini par détecter la règle. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Si on augmente l'apprentissage, mais qu'il n'y a pas de pause, eh bien, on passe à 30 minutes d'apprentissage, vous voyez que non seulement les gens ne détectent pas la règle, mais ils se déplacent de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils commencent à détecter que Rakibé, c'est une séquence qui fait partie, avec une certaine probabilité de transition, pas si faible que ça, de la séquence de départ. Autrement dit, plus d'exposition favorise la segmentation et favorise l'extraction de règles statistiques qui gouvernent les transitions entre les syllabes. Mais, par contre, très peu d'exposition suffit pour inférer la règle abstraite. Donc, dès qu'il y a des pauses, si on repart de cette expérience ici, et ici il y avait 10 minutes d'exposition, si on passe même à 2 minutes d'exposition, dès qu'il y a des pauses, les personnes sont capables de détacher en quelque sorte ces séquences de trois syllabes et détecter qu'il y a une règle qui est respectée. Voilà, donc cette expérience, cette série d'expériences de Marcela Peña et collaborateurs suggère qu'il y a vraiment deux systèmes extrêmement distincts. Un système qui est capable d'apprentissage statistique, qui est sensible aux probabilités de transition. Alors, il faut supposer évidemment qu'il est sensible aux probabilités de transition, pas seulement de n à n plus 1, mais aussi de n à n plus 2, hein, pour détecter des règles de type AIC, qui propose une segmentation de la séquence, mais qui est sensible à la quantité d'exposition, aux probabilités, etc. Et puis un deuxième mécanisme qui est fondé sur des règles abstraites, tout ou rien, qui généralise à des instances nouvelles, qui fourmille donc une sorte de schéma algébrique général, donc de type ABB ou AXC. Et il y a vraiment une double dissociation. La segmentation par apprentissage statistique s'améliore avec la quantité d'évidence. L'apprentissage de règles n'a pas besoin de beaucoup d'évidence, mais opère sur des représentations segmentées, donc la présence de pauses dans le flux d'entrée aide beaucoup. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie en particulier à cet article de commentaire de Mark Seidenberg, qui est un connexionniste, donc tout à fait opposé à l'idée qu'il puisse y avoir des règles algébriques abstraites dans le cerveau, et encore plus des bébés. Hein. Et Seidenberg et collaborateurs, dans un commentaire de l'article de Marcela Peña, critiquent l'expérience et disent que, après tout, il pourrait y avoir beaucoup d'autres formes d'apprentissage statistique qui pourraient expliquer les résultats. Leur argument, c'est que, vous voyez, ici en 1, c'est la règle que Marcela Peña et collaborateurs postulent, régir les stimuli, mais en 2, vous avez d'autres règles possibles. Par exemple, toutes les syllabes initiales commencent avec une consonne occlusive. Bon, il se trouve que c'est vrai, hein, il y a toujours une occlusive. Alors que les consonnes médiales sont plutôt voyez, des continuantes, des liquides. Bon, donc c'est vrai, c'est un petit peu malheureux peut-être, mais dans l'expérience, il y avait d'autres possibilités de régularité qui auraient peut-être permis aux gens d'apprendre à détecter les éléments réguliers ou pas réguliers. Voilà, ici, Seidenberg et collaborateurs listent toutes les règles ou éléments statistiques qui auraient pu permettre aux gens de détecter. Bon. Le problème, c'est que Seidenberg et collaborateurs ne discutent à aucun moment le fait qu'il y a cette double dissociation, c'est-à-dire que des paramètres différents influencent des processus différents. Donc, ils se contentent d'un argument général qui est de dire on néglige le rôle des statistiques, etc. Bon. Moi, je ne vois pas d'alternative dans cette situation de double dissociation à l'idée qu'il y a deux systèmes différents et qu'il y en a un qui est quand même très abstrait, capable de généralisation. Alors, bien sûr, ceci chez l'adulte. Est-ce que l'enfant est capable de tel apprentissage ? Eh bien, en réalité, le travail de 2002 de Marcela Peña était précédé de travaux chez l'enfant qui montraient effectivement que les enfants ont une sensibilité non négligeable à ce type de dépendance à longue distance. Peter Yushik, j'ai mentionné les travaux tout à fait pionniers hein, dans le domaine de l'apprentissage du langage chez l'enfant, avait montré qu'à 18 mois, les enfants, dans leur langue maternelle, donc sans parler d'apprentissage d'une langue artificielle, hein, mais dans leur langue maternelle, qui était l'anglais ici, étaient capables de distinguer des phrases grammaticales comme « is running » de phrases non grammaticales comme « can running ». Et même « is quickly running ». Donc l'expérience de Yushik présentait l'intérêt de montrer que les enfants étaient capables de détecter ce qui ressemble à des règles A, X, C, alors que l'élément X pouvait être assez variable et éventuellement comprendre plus qu'une syllabe. Donc dès 18 mois, il semble que l'enfant, alors qu'il n'a pas encore la capacité de produire des structures complexes de ce type-là, est peut-être déjà sensible à la régularité statistique avec des règles de type AXC. Alors évidemment, dans l'apprentissage du langage naturel, il est difficile de contrôler toutes les variables. Donc l'expérience de Yushik présente à la fois l'intérêt de porter sur la langue maternelle de l'enfant avec une exposition à la langue qui est considérable pendant 18 mois. Par contre, présente le désavantage qu'il est difficile de contrôler précisément la base sur laquelle l'enfant a pu se fonder pour son apprentissage. Donc Gomez et collaborateurs, toujours le même groupe, hein, en 2002, reprennent cette question avec un apprentissage artificiel, tout à fait similaire à l'article de Marcela Peña. Ils prennent des règles du type AXB et CXD. Donc Pell, Wadim, Jik, Pell, Dicey, Jik. Vot, Wadim, Rudd, Vot, Dicey, Rum. L'idée, c'est qu'il y a un premier élément, une première syllabe, un élément variable au milieu, et puis une dernière syllabe qui est prédite par la première. Est-ce que les enfants vont être capables de détecter ça? Et pour le savoir, on les teste ensuite avec des éléments qui soit respectent la règle de départ, soit qui sont du type AXD, c'est-à-dire que c'est la syllabe qui aurait dû... on a mis D à la place de B, et puis CXB. Ce qui est joli dans cette expérience, c'est que ce sont toujours les mêmes éléments qui sont en premier, qui sont en dernier, c'est juste la combinaison, le lien entre la première et la dernière syllabe qui est violé ici. Et ça marche. Et les enfants de 18 mois sont tout à fait capables, après avoir été exposés à une grammaire de ce type, de détecter les stimuli qui violent la grammaire initiale. Donc là, on a la preuve qu'à 18 mois, dans une langue complètement nouvelle, inconnue des enfants, eh bien, ils sont capables de faire des inférences de ce type. De mon point de vue très intéressant, c'est que cet apprentissage ne marche que si l'élément X est suffisamment variable. Vous voyez ? Donc si X a 2 ou 12 possibilités, ça ne marche pas bien. S'il y a 24 possibilités, ça marche bien. Parce que c'est assez logique, hein, parce que pour détecter qu'il y a une règle, il faut évidemment s'abstraire. Le fait que l'élément du milieu soit variable vous incite à pratiquer cette abstraction, à détecter qu'il y a une régularité. Alors que l'existence de probabilités de transition trop élevées peut vous empêcher de détecter la règle. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les travaux ultérieurs, c'est que les enfants de 12 mois n'apprennent pas et qu'à 15 mois, ils commencent à apprendre avec ce changement de comportement dont on avait brièvement discuté auparavant, qui est qu'à ce moment-là, ils ont une préférence pour l'ancienne grammaire. Ils ont toujours ce changement de comportement. Au départ, ils préfèrent regarder ce qu'ils connaissent, comme s'ils allaient chercher de l'information supplémentaire sur ce qu'ils commencent à connaître, et à mesure que leur apprentissage devient plus élaboré, ils vont au contraire s'orienter vers la nouveauté. Il y a un changement de comportement assez systématique. Mais donc, vers 15 mois, on aurait le tout début de cette capacité d'abstraire des règles et de s'abstraire un petit peu des probabilités de transition. Il faut insister quand même sur le fait qu'aucune de ces expériences, pour l'instant en tout cas, à ma connaissance, ne teste vraiment la récursivité. La récursivité consisterait à regarder si ces règles peuvent être enchâssées les unes dans les autres et si l'enfant comprend que les arbres enchâssés gouvernent ce domaine de l'apprentissage du langage. Alors, les auteurs discutent également le fait que l'apprentissage de règles du type AXB peut permettre d'autres formes d'induction. Par exemple, ça peut vous permettre de conclure que tous les aimants X sont du même type, voyez ? Comme dans la situation en anglais, hein, si vous réfléchissez à « is running, is singing, is dancing », non seulement vous pouvez apprendre que « is » prédit « ing » et que ça forme une structure grammaticale, gérondif, mais vous pouvez aussi apprendre que ce qu'il y a entre les deux, c'est un verbe. Et donc, peut-être placer dans la même catégorie tous ces éléments « x ». Et des expériences de Toby Mintz, en particulier, semblent montrer que ce soit le cas et que les enfants font ce type de généralisation. Donc, on est aussi toujours dans cette idée d'un système où différents type d'apprentissage grignote, si je puis dire, les régularités qu'il y a à découvrir dans le langage. Le système lexical va grignoter les probabilités de transition, détecter qu'il y a des éléments qui forment des mots, les associer à des sens, c'est le cours de la semaine dernière. Le cours d'aujourd'hui vous montre qu'il y a d'autres systèmes qui sont des systèmes de détection de règles, qui vont essayer de détecter qu'à longue distance, telle syllabe prédit telle autre, ou tel mot prédit telle autre, telle catégorie de mots prédit telle autre. Et tous vont travailler en parallèle pour essayer d'abstraire le plus d'informations possible de la séquence d'entrée et vont pouvoir collaborer. Donc une fois qu'on a détecté que « is » prédit « ing », ce qu'il y a entre les deux, c'est un verbe, on va pouvoir le traiter comme un verbe. Bon, il est tard, je suis désolé, le cours a commencé très en retard. Je vais juste dire quelques mots et passer plus vite pour conclure à 11 heures précises sur le dernier élément dont je voulais vous parler, qui est le fait que l'enfant... on commence à penser que peut-être... l'enfant est capable d'apprentissage d'un niveau encore plus élevé, d'apprentissage vraiment de programme de comportement. Je ne vais pas vous parler d'expérience particulière, mais juste d'un modèle qui a été proposé par Piantadosi et collaborateurs, selon lequel, dans certains domaines, par exemple l'apprentissage des noms de nombres, eh bien, l'enfant présente une capacité de le sélectionner parmi, non pas juste des règles, mais des vrais programmes récursifs. C'est leur hypothèse. Qu'est-ce qu'il faut modéliser ? Eh bien, il faut modéliser une situation qui est connue depuis de nombreuses années, je vous en ai parlé dans le cours sur les nombres il y a quelques années, c'est que les enfants ont une période dans l'apprentissage des nombres qui est assez prolongée, où ils peuvent tout à fait savoir réciter les noms de nombres, faire un comptage verbal dans lequel ils récitent 1, 2, 3, 4, 5, mais sans savoir nécessairement le sens de ces mots. Et on le voit parce que, par exemple, si on leur demande combien il y a d'objets sur une image, ou bien donne-moi un certain nombre d'objets, donne-moi trois objets, ils n'ont pas un comportement approprié. Ils vont par exemple, ce qu'on appelle des grabbers, ils vont prendre un paquet d'objets. Si on leur dit donne-moi trois objets, ils prennent un paquet, ils vous donnent le paquet. Voilà. Ils vont prendre le même paquet pour 3, pour 4, pour 5, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que l'apprentissage est progressif. Pendant plusieurs mois, les enfants vont, par exemple, connaître juste le sens du mot « 1 ». Alors, si vous leur dites « donne-moi un objet », ils vont vous donner un objet. Si vous leur dites « donne-moi 2 » ou « 3 » ou « 4 », ils vont avoir ce comportement de grabbing, d'attraper un paquet d'objets. Et puis, ensuite, ils vont passer à connaître le mot « 2 ». Et pendant plusieurs mois, ils vont connaître « 1 » et « 2 », mais pas les autres. Et puis, ils vont connaître le mot « 3 ». Et à un moment, ils vont d'un seul coup se rendre compte que toute la série de comptages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qu'ils connaissent depuis longtemps, chacun de ces mots s'applique à des nombres particuliers. Alors c'est ce qu'on appelle ce saut conceptuel de la connaissance du principe de cardinalité. Et je n'aurai pas le temps de vous en parler en détail, peut-être on reviendra là-dessus sur un autre cours, mais l'idée de Piantadosi et collaborateurs, c'est qu'on peut considérer qu'à ce moment-là, il y a stabilisation dans la tête de l'enfant d'une règle très abstraite qui est en fait une sorte de programme. Et ils proposent une simulation bayésienne de la sélection d'un programme dans la tête de l'enfant, un programme dans ce qu'on appelle le lambda calcul, qui dispose de primitives sophistiquées. L'enfant est capable de détecter ce que c'est qu'un singleton, un ensemble de deux objets, un ensemble de trois objets, donc il possède ce qu'on appelle le subitizing. Il est capable de manipuler des ensembles d'objets. Il est capable de faire de la logique, de dire « et »,« si », »,« non ». Et surtout, d'avoir une connaissance de la routine du comptage qui lui permet de dire, voilà le prochain mot. Si je connais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mot après 7, c'est 8, le mot après 8, c'est 9, etc. Alors sur cette base-là, on peut évidemment créer des programmes minimaux. Je vais peut-être passer directement à cette diapositive-ci pour vous montrer, par exemple, que donc dans l'article de Piantadosi et collaborateurs, il suppose que dans la tête de l'enfant, il y a un fourmillement de programmes possibles qui sont générés essentiellement aléatoirement, sous forme formelle, et qui sont par exemple du type « si l'ensemble que je vois est un singleton, alors dire 1 », « si l'ensemble que je vois est ce qu'il appelle un doubleton, c'est-à-dire un ensemble de deux objets, dire 2 », « si l'ensemble comprend trois objets, dire 3 », « sinon, je ne sais pas, la réponse n'est pas définie ». Et puis, voilà un autre programme qui est exprimable dans ce logiciel en lambda calcul. Si l'ensemble comprend un objet, dire 1. Sinon, nommer le mot qui suit celui qui serait approprié pour l'ensemble dans lequel j'enlève un objet. Et c'est comme ça qu'il faut intéresser ce programme. En fait, ça, c'est le comptage. C'est-à-dire, je commence par compter un objet et je vais dire le mot suivant de l'ensemble comprenant un objet de moins. C'est la connaissance du principe qu'il y a une correspondance systématique entre la séquence des noms de nombres dans le langage, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la séquence des cardinaux des ensembles d'objets. Si j'ajoute un objet, c'est comme si j'avançais de 1 dans la séquence des noms de nombres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien d'autres programmes qui sont possibles, dont certains sont complètement absurdes. Par exemple, nommer les ensembles modulo 5, ou bien connaître tous les noms de nombres tous les deux objets, mais pas donc connaître tous les nombres pairs, mais pas connaître les nombres impairs. Et tous ces programmes sont possibles dans l'espace qui est considéré. Je suis obligé de passer malheureusement beaucoup trop vite, je m'en excuse, mais simplement dire que on rentre ici dans un apprentissage bayésien tout à fait standard. Il est possible de définir des probabilités a priori pour chacun de ces programmes en lambda calcul. Essentiellement, la longueur du programme va diminuer la probabilité a priori que ce programme soit juste. Et par contre, évidemment, on peut mesurer l'adéquation du programme, c'est-à-dire si je reçois un ensemble avec trois objets, est-ce que le programme est capable de produire le bon nombre en sortie? Dernière hypothèse qui est faite par les auteurs, c'est qu'on rencontre des nombres avec une probabilité décroissante, ce que nous avions montré il y a de nombreuses années, c'est-à-dire que les nombres les plus élevés ont des fréquences d'apparition beaucoup moins grande. Avec toutes ces hypothèses, voilà le résultat de la simulation. C'est en fonction de la quantité de données qui est reçue par l'enfant, c'est-à-dire la quantité de situations dans lesquelles il voit un ensemble et il a la réponse « il y a trois objets », vous voyez. Donc il peut confronter son programme interne avec la réalité d'un certain ensemble d'objets. Eh bien, lorsque les enfants simulé ici, hein, c'est une simulation, hein, mais lorsque le programme reçoit donc peu d'entrées, jusqu'à peut-être 30 exemples de nombres, la règle qui gagne, c'est celle qui permet de nommer un objet, le cardinal d'un ensemble de un objet. Voyez. Donc le programme qui est capable de dire un quand il y a un et rien d'autre. Donc c'est ce qu'on appelle le one knower, ça simule tout à fait ce stade de l'enfant, de la connaissance de l'enfant, où l'enfant est capable de nommer juste les ensembles d'un objet, mais pas plus. Ensuite, vous voyez qu'avec un peu plus d'apprentissage, cette règle-là va être éliminée, parce qu'elle n'est pas suffisamment bonne pour les ensembles de deux objets ou plus, et c'est la règle à deux objets qui va être stabilisée. Puis la règle à trois objets, enfin, un, deux ou trois. Et puis finalement, ce programme nettement plus complexe, qui est un vrai programme de lambda calcul récursif qui dit nommer le successeur de l'ensemble avec un objet de moins. Voilà. Qui est donc un programme qui est capable de tourner de façon récursive pour nommer n'importe quel nombre. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est donc qu'il y a une sorte de conflit entre l'accumulation d'évidence qui va sélectionner le programme le plus approprié et la probabilité a priori de ces différents programmes qui, évidemment, est plus faible pour les programmes les plus complexes, qui donc pénalise les programmes les plus complexes. Donc la raison pour laquelle ce programme parfait n'apparaît pas tout de suite, c'est qu'il est nettement plus complexe que les autres. L'enfant ne va le sélectionner que lorsqu'il a eu suffisamment d'évidence que les autres sont faux. Donc, c'est un modèle extrêmement intéressant. Je pense qu'il est encore un petit peu primitif. Je vais passer sur toutes ces explications, vous les retrouverez sur le site web. Mais je pense que ce qui est quand même très intéressant, c'est, et je vais conclure sur le bébé statisticien, c'est de penser qu'on abandonne l'idée que l'enfant ne soit pas capable de structures abstraites. Il y a peut-être dans la tête de l'enfant, pour nommer les nombres, des authentiques programmes récursifs qui néanmoins ne demandent pas de supposer un ultra-inéisme dans lequel l'enfant aurait ses programmes tels quels dès le départ, voyez, mais l'apprentissage bayésien est suffisamment sophistiqué pour permettre de stabiliser par stabilisation sélective, si on veut, ces programmes s'ils sont appropriés pour rendre compte d'un domaine comme celui des nombres ou celui de la grammaire. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important en faveur de ces modèles bayésiens, c'est de dépasser le combat entre, disons, l'inéisme un peu extrême qui a pu dominer, je dirais, la perspective dans le domaine de l'apprentissage du langage et les modèles connexionnistes où tout est appris, où il n'y a aucune structure au départ. Donc, sur le plan strictement empirique, les enfants sont capables, à 7 mois, d'extraire des règles fondées sur la répétition de mots ou de syllabes. Ils sont capables de détecter des dépendances à longue distance entre les mots, entre 15 et 18 mois. Ils sont capables d'inférer l'existence de catégories de mots et de règles qui lient ces mots ou ces catégories de mots. Et je vous rappelle aussi l'exposé d'Anne-Christophe l'an dernier, qui avait été beaucoup plus loin dans ce domaine de l'apprentissage des verbes et des noms. La modélisation théorique montre que les algorithmes bayésiens, notamment quand ils sont hiérarchiques, sont capables d'apprendre à découvrir des règles récursives qui régissent un domaine, comme celui des nombres, ou d'inférer qu'un domaine est régi par des arbres plutôt que par des chaînes, des graphes, des cartes euclidiennes. C'est le travail de Kemp et Tenenbaum. Donc, à la fois sur le plan théorique, l'apprentissage est possible. Sur le plan empirique, l'apprentissage existe chez ces enfants en quelques minutes d'exposition à des séquences régulières. Il est important de comprendre que les modèles bayésiens ne sont pas complètement dépourvus de structures innées, pas du tout, au contraire. Il y a deux sortes de structures innées qui existent dans les modèles bayésiens. Premièrement, il y a une machinerie complexe d'inférence probabiliste. Je vous renvoie au premier et au deuxième cours. Les enfants sont capables de suivre la probabilité d'événements du monde extérieur et ils sont capables d'anticipation, ils sont capables, sur la base de leur modèle interne, de dire « voilà un événement de basse probabilité ». Ils sont capables de détecter des signaux d'erreur dans leur cortex et ces signaux d'erreur sont capables de se propager, de mettre à jour les représentations mentales. Ça, c'est une machinerie extrêmement complexe et il est possible, bien que non encore prouvé, mais il est possible que cette machinerie soit présente dès la naissance, voire, on l'avait vu, chez le prématuré. Donc, il faut imaginer un système de câblage du cortex qui met en place une machine probabiliste bayésienne. Bien. Deuxièmement, il y a l'espace des hypothèses. Et ça, c'est extrêmement important. L'enfant n'explore pas tous les modèles possibles, il explore une classe de modèles possibles. Et on a vu que pour rendre compte de certains apprentissages, il fallait supposer qu'il apprend tel ou tel, qu'il explore plutôt tel ou tel espace d'hypothèses. Et là, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant, c'est cette idée que l'enfant de l'espèce humaine, contrairement peut-être à d'autres espèces animales, dispose d'un espace d'hypothèses différent. L'espace des hypothèses dans notre espèce comprendrait des fonctions récursives. C'est pour ça que nous sommes capables d'apprendre les nombres, nous sommes capables d'apprendre à compter avec une précision, le concept de nombre exact et de comptage qui n'existe pas ailleurs dans le monde animal. Peut-être parce que nous envisageons comme des hypothèses possibles pour décrire un domaine des fonctions particulières qui ne sont pas envisageables par le cerveau d'autres espèces animales. Dans tous les cas, il s'agit d'un apprentissage qui démarre avec un très vaste ensemble d'hypothèses, et la règle bayésienne va attribuer des plausibilités variables à ces hypothèses et progressivement va en éliminer certaines et en conserver d'autres. Et donc, je voulais terminer avec ce tableau qui fait partie de la donation de mon maître, Jean-Pierre Changeux, qui a occupé cette chaire au Collège de France. On voit évidemment le bébé Jupiter qui est encadré de nymphes qui vont lui apprendre le langage. Et je voulais terminer aussi avec cette citation qui est peut-être l'épitome de l'idée de Jean-Pierre Changeux depuis des années, qui est qu'apprendre, c'est éliminer. Bien, le modèle bayésien, quelque part, explique comment apprendre s'est éliminé. Il nous montre comment, tout doucement, probabilité après probabilité, on va être capable d'écarter certaines hypothèses et au contraire d'en renforcer d'autres à tous les niveaux hiérarchiques. Et évidemment, Jean-Pierre Changeux exprimait cette idée dans un contexte aussi neurobiologique, c'est-à-dire l'idée que les neurones ont des connexions en surnombre et qu'apprendre s'est éliminé littéralement des synapses. C'est vrai aussi, bien entendu, et l'un est peut-être le mécanisme de l'autre. C'est-à-dire que sélectionner les connexions neuronales, en éliminer certaines, en conserver d'autres, c'est une manière d'internaliser les statistiques du monde extérieur. C'est peut-être dans les connexions horizontales du cortex, vous savez, qui lient les neurones pyramidaux les uns avec les autres, qu'il faut voir cette connaissance implicite, compilée de la langue en particulier et des statistiques du monde visuel, du monde auditif qui nous entoure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.